されてて永遠に出たライフタイムでエルドロイにやつバラスを立ち向けるだけだけフェイクとなるエスコミはグッペロダルイドキルそうしたまえで敵とができたガラのピザロル最後のガラガラ We'll be right back. bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission d'Avrica, comme tous les vendredis soirs, pas depuis très longtemps, puisque nous avons repris l'antenne à partir de la semaine dernière. On a fait une première émission avec des horaires un petit peu décalés. Alors il faut savoir que l'émission d'Avrica, habituellement, c'est à partir de 20h30, mais avec les conditions actuelles, nous avons décidé de le commencer un petit peu plus tôt, et donc de 19h à 20h30, et puis après j'ai juste le temps de remballer pour rentrer chez moi, juste avant le confinement. Voilà, donc on a commencé cette émission avec un groupe que je vous ai fait découvrir la semaine dernière. J'étais pas le premier sur Radio Arc-en-Ciel, j'avais déjà entendu dans l'émission à Christophe. Il s'agit du groupe Prism A avec Rock Now. Juste après, c'était le groupe Dearstone avec Bright Light. Le groupe Last Avenue, voilà, ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Ça serait bien de les voir tourner. Ils étaient venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel déjà au moins à deux reprises. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Always So Bad. Juste après, là c'est le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, vous avez reconnu le fameux Money, le Money des Pink Floyd, repris cette fois-ci par les Mockingbirds. Les Mockingbirds qui étaient un des derniers groupes à être venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avant le confinement. Voilà. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, je commencerai à avoir mes premiers invités. Voilà, on n'est pas encore aux horaires habituels, mais on va commencer à mettre ça en route. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vrai que c'est pas évident de recevoir des groupes complets, mais on va essayer de recevoir des personnes une par une qui vont nous présenter leur projet, ou alors simplement le groupe, représenter le groupe. Et la semaine prochaine, on va recevoir donc Michael du groupe Avorias. Ça fait très longtemps, il est déjà venu à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai mis sur le Facebook de l'émission d'Avrica un petit tableau qu'il nous avait laissé déjà il y a quelques années, je sais plus exactement, mais ça fait déjà pas mal d'années. En tout cas, on sera content de retrouver à nouveau ici des personnes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission d'Avrica en tout cas. Et là, on va continuer en musique. Alors cette émission, c'est une petite parenthèse dans votre vie, j'espère que on la passera en bonne compagnie en tout cas, et avec de très bons artistes de la région et d'ailleurs. Voilà, l'émission Mavrica est commencée, et puis on se retrouve juste après avec un morceau spécial Mavrica, un morceau qui dure pas loin de 15 minutes, qui s'appelle le swing de la mort qui tue, et c'est le groupe Le Chat Fume. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrica. Théo, entre nous, c'est fini. J'ai trouvé mieux ailleurs, autrement.

C'est pas bien, à côté de la rive on demande combien pour une dérive loin du quotidien. De l'autre on s'active et on met les patins pour plaire aux convives jusqu'au petit matin. Ok, voici l'année nouvelle, belle, nouvelles sont mauvaises, il y a du vent dans les poubelles et les clodos font des malaises. Du ravin, session de whisky au pied des sapins. Le reste de Noël, cadavre de juin. Devant les hôtels, larmes des recoins. Le côté de la berge, on est en pelin. On a une massierge, mais on ne voit rien. De l'autre, on s'héberge, on trinque au butin. Santé à la Vierge, et aujourd'hui vient. Ok, voici l'année nouvelle. Les nouvelles sont mauvaises. Il y a, ils sont dans les poubelles. De la même, ok. Il y a des pourridés comme du gratin, oubliés la nuit dans le fond de teint. Il y a des vicieuses au sourire taquin, vénales ambitieuses offertes aux requins. À côté du pont où il y a le satin, des faux gros nichons, pas de baratin. De l'autre il y a l'ombre tendant les deux mains, espérant du nombre un seul être humain. Ok, voici l'année nouvelle mêlée. Nouvelles sont mauvaises, il y a du sang pour les maquereller. Il faut mieux s'en prendre à brevoquer. Ouais, ce soir avec ma car, au direct de Mavrica, pour tous les clodos clos. Du pain dur, de la lie de vin sur la couverture d'un bar de défunt. Au pas de la porte d'un grand châtelain, une vie est morte car elle avait faim. D'à côté du mur il y a l'esprit saint qui danse en murmure la pluie du chagrin. De l'autre on s'endort entre deux coussins, rêvant à son or à la bas du karaoké. Voici l'année nouvelle, mais les nouvelles sont mauvaises, y'a bien des tours de manivelle qui rendront un jour le bourgeois mal à l'aise. Ok, voici l'année nouvelle, mêlée. Nouvelles sont mauvaises, y'a bien des tours de manivelle qui rendront un jour le bourgeois mal à l'aise. Yeah. Voilà, un petit souvenir, ça fait quelques années déjà, c'était dans l'émission numéro 167, c'était deux groupes, hein. C'était le groupe Mabkara accompagné de Mandrake, et ils avaient fait donc un live qui s'appelait « Ok, voici l'année nouvelle ». Voilà, donc une version Mavrika en live. Juste avant, c'était aussi une autre version live Mavrika, donc c'était un morceau de presque 15 minutes, hein, qui avait été interprété en direct par Le Chat Fume, et donc on va continuer... la musique avec un groupe qui est venu il y a pas très longtemps dans l'émission Mavrika. Il devait faire le Mavrika Live précédent qui a été annulé. Il devait faire l'interscène. Vous savez de qui je veux parler. Il s'agit du groupe Douk. Et le morceau s'appelle Tout va bien. Puisque tout va bien, donc il faut quand même le dire. Juste après, on écoutera les Goodbye Watson avec In Your Eyes. Encore un groupe qui a participé à Mavrika Live et qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel aussi. Voilà. Et, The Shaking Mates aussi avec Love Me Two Times, il faut m'aimer mais deux fois, hein, pas une seule. Voilà, c'est comme ça qu'ils le voient en tout cas, les Shaking Mates. Voilà, ce sont des groupes qui sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui reviendront avec beaucoup de plaisir en tout cas, puisque la semaine prochaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons commencer à recevoir notre premier invité. Il s'agit de Michael du groupe Avorias. Voilà, on continue cette soirée. Le temps passe très vite, hein. Ça fait déjà, on est à la mi-temps, hein, on peut dire ça comme ça. On va continuer avec le groupe Douk. Tout va bien. Je choisis d'être optimiste.

eyes confront his look. Forget your unhappiness, destroy it. But when in doubt, you knowing your nails do not devalue you. J'aime bien tes manières. crois qu'on s'épouse de toute manière. On s'est acheté un grand écran. C'est fait des enfants. Qu'importe le nombre, ce qui compte vraiment, c'est qu'ils soient bien de toi. Bien un grand, un petit, un gros. C'est comme ça que tu les reconnais. Vu que tu les as tous appelés Joe. Oh, oh, oh, oh, oh, idée. Maintenant tu me reproches d'être, parce que je m'assois sur les toilettes. Notre histoire a le goût amer. Que nous sert chaque dimanche ta mère. Oh, oh, ça use. Alors tu me dis qu'un beau jour tu mettras ce bel amour. Ce jour-là, j'aurai très très mal. J'ai des restrictions médicales. Je peux rien porter. Et puis quand tu seras parti, c'est vraiment un énorme gâchis. J'ai un copain d'un copain. Pour alléger mon chagrin, surtout mes frères. Un soir de printemps, nous étions sous ce ciel d'été, mais il pleuvait tout le temps. Moi j'étais brune comme les blés. Et tout en buvant tes paroles, j'espérais bientôt croquer dans ton épaule. On a eu la gîte du Karcher. Se remarier, c'est tout ce qu'il a su faire. Faut dire que c'est chez gens-là, on se fout des autres, on ne pense qu'à soi. Qu'à soi, pauvre con, prends-le pour toi. Puissance mondiale en talonnette. On était bien lobés avec ça. Entre le dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles. Puis il y a eu l'autre regard ahuri, qui a pas mis longtemps à se faire appeler Flamby. Bouton de costard tendu sur sa bedaine revenue, démasquant sous terre pour rejoindre sa blonde. Il prenait bien la flotte en se prenant pour James Bond. Si le ridicule tue, y a des morts plein la rue. On peut dire et le faire. Au milieu, il y a la mer. Les petits coqs pourront jamais voler comme les aigles.

Méditerranée. Regarde la Méditerranée. Méditer en Méditerranée. Elle a tout dévasté, laissant le monde en ruine. Elle a tout balayé, elle a tout saccagé, sa nature lupine. Personne d'une arche d'alliance en une maison de passe. Manque de goût, manque d'audace, vengeance. Quel manque de classe. Elle a tout emporté, que reste-t-il de digne? Elle a tout bousculé, elle a tout salopé, et ça n'indigne personne. Qu'elle soit plate, qu'elle soit ronde, quelle que soit sa forme, on éventre ce monde, on le ronge, on le rogne, et ça ne blesse personne. Tout est médiatisé, traversé par des ondes. Aussi nos vies violées, nos outils piratés. Et ça ne désoblige personne. Il faudrait disjoncter, ne plus être sur secteur, ne plus accepter d'être ainsi câblé. Que nos vies enfin foisonnent. Il y a des moments comme ça où l'on se sent bien. Ton émission, c'est bien le cas, on n'y manque de rien. Les amitiés se mélangent, ça sent la vérité. Liberté d'échange en toute sincérité. Mavrika, de l'arc-en-ciel, Mavrika, sur des ondes éternelles, Mavrika l'amour, Mavrika l'ami, l'émission du soir le vendredi, Mavrika, merci. La maison de toutes les musiques. Et la raison du cœur, des horizons cosmopolites, dans la bonne humeur, l'équilibre des influences et des compositions. Tous les artistes se disent merci tonton. Mavrika, les couleurs de la Mavrika, sur tes ondes éternelles, fédère une belle équipe. Albino, quel talent. David avec sa rubrique. David Morgan, Alain photographiant. Unanimité authentique. Des auditeurs fidèles. La Mavrica Family. Étienne Mavrica. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Mavrica. Sur tes ondes éternelles. Mavrica l'amour. Mavrica l'ami. L'émission du soir. Le vendredi. Albino. Merci. Voilà, donc un petit moment d'émotion, franchement. C'était l'émission numéro 172, c'était les Garennes, nos invités. Aujourd'hui, on est à la 464, pour vous dire. Ça fait déjà un petit moment. C'était la chanson Mavrica, la première version, la version enregistrée ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et donc, ça fait vraiment plaisir de les réécouter régulièrement. Juste avant, c'était Angeville avec La Médiocrité. Youss avec Méditerranée, Gérard Lanvin avec un entre le dire et le faire, hein, voilà, il nous parle des présidents, on voit qu'il les apprécie énormément, surtout les trois derniers, Les Vilaines Choses avec Histoire d'Amère et les Shaky Metz, Love Me Two Time, voilà, on était resté là depuis tout à l'heure. Bah, l'émission se va très vite, j'ai prévu beaucoup plus de musique que je ne pourrais en passer puisqu'il reste que quelques minutes seulement. Alors je propose qu'on continue avec un concert privé de nos amis de l'Ajari, ils nous ont fait il y a quelques temps et le morceau s'appelle Je ne danse pas avec les stars. Nouvelle chanson aussi de la Jarry. Alors vous savez, petit clin d'œil à tous nos amis de la télé-réalité qu'on adore. Cette chanson s'appelle Je ne danse pas avec les stars. Tout seul, tranquille, en train de boire. Hey, une journaliste un peu connue m'a directement sauté dessus. Je lui dis non mais allez, va te faire voir. Casse-toi. Moi je ne danse pas avec les stars. Non, j'ai pas dansé. J'ai pas dansé. Faut m'oublier, faut même pas y penser. Je ne danse pas avec les stars. Ça me fout le cafard. We'll de toi. À la fin de cette émission, ça passe très très vite. On a écouté plein de bonnes musiques et puis on est vraiment pressé de retrouver tous ces artistes dans les studios Radio Arc-en-Ciel et dans les concerts aussi. Hein. Donc là, c'était la version Mavrika. Hein, ça a été enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de leur passage dans l'émission Mavrika. Il s'agit de Jack F. Voilà, tant besoin de toi. Juste avant, c'était Red Duff, vous l'avez reconnu, avec La Claque. Encore avant, donc, c'était la session, c'était concert, comment il s'appelait ça, concert virtuel, un concert qu'ils avaient fait sur Internet et qu'on a pu suivre dernièrement avec le groupe La Jarry en attendant les vrais concerts. Hein. Il y aura le 24 juillet, si je ne me trompe pas, au Poutil à Olivet. Donc, marquez-le en rouge, hein, parce que si vous n'avez pas encore vu La Jarry en concert, il faut vraiment aller les voir. Voilà, donc, le dernier morceau que nous allons écouter, il s'agit du groupe Custom, un groupe que nous connaissons comme ça, mais on les a pas reçus encore dans l'émission et ils devaient participer au Mavrika Live qui a été annulé. Mais de toute façon, ce n'est que partie remise. Le groupe Custom avec I Try. Voilà, cette émission se termine. C'était l'émission numéro 640. Je sais plus à combien j'en suis. 464. Voilà, j'ai tout inversé. 464. Encore, je me disais, il y avait un truc qui collait pas. Je lisais très mal. Dans 464e émission et la semaine prochaine, donc. Pour la 465e, nous aurons un invité. Il s'agit de Michael du groupe Avoriaz, qui est déjà venu ici dans les studios, il me semble, à deux reprises. Et cette fois-ci, il revient à nouveau pour nous parler de l'évolution du groupe, hein, puisqu'il y a plein de choses qui ont dû changer depuis le temps. Et puis, en tout cas, ça nous fera plaisir d'avoir quelqu'un dans le studio. En attendant, Ben, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve vendredi prochain à partir de 19h. En attendant que les horaires changent, hein, je vous mettrai au courant de toute façon sur Facebook. On reste connecté, envoyez les petits messages, ça fait toujours plaisir. Et aussi l'adresse mail, hein, y a toujours des gens qui m'envoient des morceaux. Il y en a certains que j'ai pas pu passer ce soir parce que j'en avais prévu beaucoup plus que ce que je peux en passer. Mais ce n'est que partie remise, on les mettra pour la semaine prochaine. Et donc l'adresse mail, c'est mavrika@live.fr. Ça peut pas être plus simple. Et vous m'envoyez vos petits morceaux et je les diffuserai avec beaucoup de plaisir en tout cas. Voilà, cette émission est terminée et on va retrouver les Custom avec I Try. Voilà, ils arrivent les Custom. Voilà, c'est parti, rock'n'roll. I try to do my best, I try to do, and I try to be while you're.